Laissez tomber le missile. La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Dans Auteur n'importe l'histoire aujourd'hui, Jack London, un surhomme fragile. 23 avril 1907, le Snark, un magnifique deux-mâts de 17 mètres, quitte le port d'Oakland dans la baie de San Francisco. À son bord, l'écrivain américain Jack London, alors au fait de sa gloire, et sa femme Charmion, son deuxième grand amour qu'il a épousé un an plus tôt. C'est le début d'un tour du monde qui doit les conduire en Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, Chine, Inde, la mer Rouge, l'Europe et les ramener aux États-Unis par l'océan Atlantique. Si la traversée ne se passera pas comme prévu, la croisière du Snark, qui va durer 2 ans, n'en finit pas de nous faire rêver plus de 100 ans après. Aventure maritime et ethnographique dans un océan pacifique encore mal connu, aventure littéraire, puisque c'est à bord du Snark que l'écrivain composera son chef-d'œuvre Martin Eden, une belle histoire d'amour aussi, celle de Jack London et de Charmion Kittredge, deux êtres égaux, épris de liberté. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Olivier Weber, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et grand reporter. Vous avez publié il y a quelques mois une biographie, Jack London, l'appel du grand tailleur. Mais l'écrivain américain, je crois, vous accompagne depuis très longtemps. Oui, j'ai eu la chance en fait de pouvoir le lire assez jeune. J'ai commencé à travailler moi aussi très jeune comme Jack London, mais surtout c'est quelqu'un qui nous ouvre la voie parce que il nous donne de l'espoir et j'essaie aussi d'écrire des livres pour transmettre à d'autres. Et je suis toujours très ému à relire Jack London. Pourquoi ? Parce que d'une part, il n'a pas vieilli et deuxièmement parce que si on le lit à différentes périodes de sa vie, on a d'autres enseignements et je crois que c'est la marque des grands écrivains et des grandes œuvres. Et Jack London est d'une actualité incroyable, et puis surtout, il a eu 1000 vies. Il est mort à 40 ans, et avant 40 ans, donc il a écrit une cincantaine de livres qu'il a commencé à écrire après 20 ans, puisqu'auparavant, il était chercheur d'or, il était ouvrier dès l'âge de 11 ans, il était pire d'huit. Une enfance pauvre, assez et lui-même disait, tout à fait, assez difficile, lui-même disait, je n'ai pas eu d'enfant, j'ai sauté une case, je suis arrivé directement à l'âge adulte, en fait, en tant qu'ouvrier, en tant que marin ensuite, et c'est riche d'enseignements. Et j'ai voulu donc, des années après être passé par, moi aussi en fait, la condition d'ouvrier dans le bâtiment et après avoir été marin pendant 4 ans et puis berger en haute montagne adolescent, j'ai eu la chance de faire des études et de finir à San Francisco. Et San Francisco, c'est évidemment le havre, le port d'accueil et de départ de Jack London. Et donc j'ai voulu écrire ce livre, voilà, tout à fait, j'ai voulu écrire ce livre pour répondre aussi à quelques malentendus sur l'œuvre de Jack London, puisqu'on dit que c'est un écrivain de l'aventure, certes, mais l'aventure n'est qu'un prétexte, n'est qu'un alibi, en fait, pour parler de l'exploration de l'âme humaine. Et ça, c'est toujours très frais, actuellement, dans l'œuvre de Jack London. Pour bien comprendre l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, Olivier Weber, pouvez-vous nous rappeler qui est l'écrivain à ce moment de sa vie, donc, lorsqu'il va s'embarquer en 1907 à bord du Snark? Oui, alors Jack London est déjà assez connu, voire très connu aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en 1907, il a 31 ans. Il a publié des nouvelles et des romans comme Le Fils du Loup, comme L'Appel de la Forêt, etc. Et il a eu une grande notoriété très vite après avoir essayé de publier des centaines de fois des nouvelles auprès de revues, auprès d'éditeurs. Et il avait même affiché sur des pinces à linge dans sa maison et ses différents appartements de l'autre côté de la rive de San Francisco à Oakland et dans les environs les lettres de refus de ses éditeurs et de ses rédacteurs en chef. Et donc il a un petit peu lavé cet affront en étant connu, lui qui avait été donc ouvrier à $1 par jour lorsqu'il était enfant et adolescent, donc ça fait $30 par mois, en travaillant 10 heures par jour, 6 jours ou 7 jours par semaine, quand il part pour le Snark, il vend des nouvelles jusqu'à 1000 dollars. Et ces 1000 dollars sont gagnés en 2 semaines. Donc, grosso modo, il gagne en 2 semaines ce qu'il aurait dû gagner auparavant en 3 ans. Et ce bateau, le Snark, va lui coûter très cher. Au départ, c'est 3000 dollars. Et finalement, il y a le grand tremblement de terre qu'on connaît tous de 1906 à San Francisco, qui détruit d'ailleurs plus de vies par l'incendie qui en résulte que par le séisme lui-même. Et donc, le chantier du Snark est arrêté, donc, sur les rives de la baie de San Francisco. Et finalement, le bateau va lui coûter non pas 3000, mais 30000 dollars. En tout cas, il n'a qu'une seule ligne. C'est la ligne de fuite. C'est passer la porte dorée, le Golden Gate, ce qui n'est pas encore le pont d'aujourd'hui, mais en tout cas sous les falaises et les montagnes de la rive nord de cette porte dorée. Et donc, il partirait avec Charmian. Et donc, c'est un Jack London qui est toujours épris d'aventure et surtout d'une sorte de fureur de vivre qui s'en va sur ce bateau à l'aventure dans les mers du Sud. Et qui est Charmian Kittredge? Alors Charmian, c'est une femme qu'il a connue lorsqu'il était déjà marié avec Bessie, donc la première femme. Et ça a fait un peu scandale d'ailleurs parce qu'il a divorcé pour épouser Charmian. Et Charmian est devenue non seulement l'amour de sa vie, mais sa collaboratrice qui va l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. C'est pas du tout une aventurière au départ, plutôt quelqu'un qui est bien éduqué, de la bourgeoisie, qui monte à cheval, etc. Assez indépendante, hein, quand même. Indépendante, une femme de caractère. Il en faut d'ailleurs pour supporter Jack London et elle a du répondant pour le grand Jack. Et ils s'entendent très bien. Et finalement, c'est une sorte de double de Jack London. Jack London est un homme du baroud, un homme de la bagarre, qui a perdu ses dents d'ailleurs, très jeune, dans les bagarres sur les quais d'Auckland. Mais en tout cas, c'est un homme qui, au-delà de cette virilité, est fragile. Il a des fondations en moins, ou pas du tout de fondations d'ailleurs, de par son enfance difficile ou son absence d'enfance. Et Charmian va l'accompagner. Elle va même d'ailleurs l'aider tous les jours à retaper, ou le lendemain, ses fameux 1000 mots. Parce que chaque journée, chaque jour de sa vie, jusqu'à sa mort à 40 ans, donc Jack London s'évertue à taper sur la machine 1000 mots. Ça fait à peu près 4 feuillets format thèse d'aujourd'hui. Et donc c'est Charmian qui va les relire, qui va leur retaper sur sa machine à écrire. Donc c'est quelqu'un qui l'accompagne et surtout qui va lui dire « Allons-y Jack, partons à l'aventure ». Et ça c'est super parce qu'elle est toujours devant. Olivier Weber, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes, si vous voulez bien, pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, Jack London, un surhomme fragile, un texte de Christelle Mouchard, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Pascal II. Premier janvier 1917. Le premier jour de la première année sans toi, Jack. C'est curieux, je ne me sens pas du tout veuve. Plutôt sur le seuil d'une aventure solitaire. Il fait froid dehors, mais la cheminée tire bien. C'est bon, ces flammes, cette chaleur. Tu as écrit une histoire là-dessus. Ça se passe dans le Grand Nord, en plein hiver. Un homme s'évertue à allumer un feu pour ne pas mourir gelé, en vain. Il échoue et pourtant, son drame est un hymne à la vie. Je suis comme ton histoire. Une partie de moi s'est éteinte avec toi et l'autre brûle de vivre. Tu me l'as souvent dit, je suis plus solide que toi. Pourtant, j'ai mal, tu sais. Jack London est mort le 22 novembre 1916 dans son cottage de Glen Allen en Californie. L'événement aux États-Unis a été d'une ampleur nationale. On salue l'écrivain, mais aussi le socialiste engagé, l'aventurier au grand cœur, le jeune marin qui a réussi à force de courage et d'obstination. Sa femme, Charmian, n'a pas assisté aux obsèques. Mais le lendemain, suivant les instructions de son mari, elle a enterré ses cendres dans la forêt, sous un simple rocher. Puis elle s'est enfermée pour répondre aux lettres de condoléances qui arrivent par centaines chaque jour. Cher ami, je vous remercie de votre marque de sympathie. Excusez-moi. Je ne veux voir personne. Mais c'est Martin Johnson. Martin ? Ici ? Oui, bien sûr, fais-le entrer. Il n'est pas seul, il est avec son épouse. La petite Osa, quelle chance ! Entrez ! Entrez ! Ah, oh. Mrs. London, je ne sais pas quoi vous dire. Ne dis rien, tu es là, ça suffit. Mrs. London, Osa. Laissez tomber le Mrs. Je ne suis plus Mrs. London. C'est fini. Appelez-moi par mon vrai nom. Charmian Kittredge. Charmian ? C'est joli. Trop, sans doute. Jack préférait m'appeler camarade ou partner. Vraiment ? Pas très poétique, je trouve. Moi, je me souviens qu'il vous appelait surtout Matelot. Oui, Matelot. Comme on dirait ma chérie ou mon lapin en sucre. Je préfère mon lapin en sucre, personnellement. Osa, si vous saviez, vous rêveriez qu'on vous appelle Matelot. Demandez à Martin. Mrs. Charmian, j'ai lu que Jack se serait, enfin, aurait mis fin à ses jours. Avec une overdose de morphine ? J'ai démenti. Je sais, mais tout de même, je dois vous avouer, lorsque je l'ai lu, ça ne m'a pas étonné. Toi, Martin, qui as vécu 2 ans avec nous sur le même bateau. Oui, justement. Vous parlez de la croisière du Snark ? La croisière du Snark. Tu parles d'une croisière ? Et vous parlez d'un bateau. Vous ne pourriez pas m'expliquer ? Depuis que je suis mariée à Martin, il n'arrête pas de parler de son voyage dans les îles. Le Snark par-ci, le Snark par-là. Mais qu'avait-il de si spécial, ce bateau ? Le Snark, un magnifique voilier de 17 mètres gréé en ketch. Jack London en a lancé la construction en 1905. L'écrivain est alors au sommet de sa gloire, et c'est pourquoi, lorsqu'un an plus tard, il annonce qu'il cherche un équipier pour l'accompagner dans un tour du monde, les demandes affluent. Garçons et filles, jeunes et vieux, tous sollicitent comme une faveur d'embarquer avec lui. Dans l'impossibilité de choisir, Jack prend une lettre au hasard. Le sort tombe sur un jeune homme de 23 ans qui ne connaît rien à la mer, Martin Johnson. En novembre 1906, celui-ci quitte sa petite ville du Kansas pour rejoindre le port de San Francisco. Mr. London ? Oui ? Martin Johnson, votre équipier. Martin Johnson, bienvenue à bord. Mr. London, je suis tellement honoré. Oh, allez Martin, pas de ça entre nous. J'ai beaucoup aimé ta lettre, tu sais, mais je ne sais plus trop pourquoi. Voyons, tu viens du Kansas, tu vis seul avec ton père, t'aimes la photographie, tu veux voyager. Ah, moi, j'ai surtout besoin d'un cuisinier. Tu sais cuisiner ? Non, oui, enfin... comme vous m'avez posé la question dans votre télégramme, j'ai pris des leçons dans le bar à côté de chez mon père. Excellent. Il ne faut jamais répondre qu'on ne sait pas. Il faut apprendre. Ah, autre chose, tu te souviens que nous ne rentrerons pas avant 7 ans ? Ah bah, j'y compte bien. Quand partons-nous ? Dès que le Snark est prêt. Le Snark ? C'est le nom du bateau. Je l'ai emprunté à Lewis Carroll, tu sais, le père d'Alice au Pays des Merveilles. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle « La chasse au Snark ». Je n'ai pas l'honneur de connaître Mr. Carroll ni sa fille, mais je suis sûr que le Snark est une merveille. Compte tenu de l'argent que j'y ai englouti, il peut l'être. Je comptais y mettre 10 000 dollars, j'en suis à 30 000. Et le Snark est sous le coup d'une procédure de saisie. Oh non. Rassure-toi, je vais le dégager. Ah, et puis tout ça, c'est pas pour rien. Tiens, viens voir, par ici. Regarde. Une quille métallique. Un moteur de 70 chevaux. Un réservoir de carburant de 3000 litres. Oh. 4 compartiments étanches. Un canot de sauvetage de 400 dollars. Et le clou. Une salle de bain avec l'eau courante. Ah là là. Enfin bref, le Snark est le bateau le plus solide jamais construit à San Francisco. Évidemment. Et pourquoi évidemment ? Bah, parce que c'est le vôtre, Mr. London. Martin, je vois que tu ne sais pas tout sur moi. Mais si. Si, c'est tout sur vous. J'ai lu tous vos livres et... Quoi donc ? Gros-Blanc, bien sûr. Et tu sais que j'ai été chercheur d'or au Klondike. Pas seulement. Je sais aussi que vous avez été ouvrier à 15 ans, que vous vous êtes embarqué comme marin à 17, qu'à 18 ans, vous avez traversé les États-Unis à pied. Oh, enfin, presque, mais... Oui, tout que... ça, c'est vrai, mais... Tu sais, je crains que ça ne fasse pas de moi un bon architecte naval. Jack ? Enfin, on aura le temps d'en reparler. Jack ? Charmian, viens. Je te présente Martin. Ah ! Martin. Bonjour. Vous êtes celui qui n'a jamais navigué, mais qui nous plaît. C'est-à-dire que... Je vous préviens, Martin, si ça tourne mal, plaignez-vous à Charmian. C'est elle qui a eu l'idée de ce voyage. Ah. Je suis sûre que ça va marcher, Martin. Vous ressemblez à Jack au même âge. Vraiment ? Oh, Mrs. London, on ne peut pas me faire un plus beau compliment. Oh. Allez, viens. Viens par là, on va te montrer. Alors, sur la tête. Voilà. Cher papa, ça y est, c'est fait. J'ai rencontré Jack London. Il est exactement comme je l'imaginais. tellement plein d'enthousiasme, d'audace et modeste en même temps. Le voilier est plus petit que ce que je croyais, mais en bois verni et laiton doré est très confortable. Pour le moment, je ne comprends rien à toutes ces cordes et toutes ces voiles, mais de toute façon, je ne serai pas le seul équipier. Il y a deux autres marins et un navigateur. Nous partons dès que le chantier est fini, peut-être même avant, car Jack, je l'appelle Jack, tu te rends compte ? Jack en a assez d'attendre. Le 23 avril 1907, après 6 mois de retard, le Snark largue enfin les amarres. Comme toute la presse a annoncé le départ, la foule s'est massée le long des quais d'Oakland, dans la baie de San Francisco, pour voir le célèbre Jack London s'engager dans sa nouvelle aventure. Une aventure dont on est sûr qu'il ne reviendra pas. Car en 1907, c'est encore un terrible défi que de traverser l'océan Pacifique sur un yacht de plaisance. Or, les premiers jours en mer semblent donner raison aux pessimistes. Eh bien, tu en fais une drôle de figure. Oh, Mrs. London, je crois que je vais mourir. Mon pauvre Martin. Oh, j'ai trop honte. Il n'y a pas de quoi, ça passera. Mais je dois prendre mon quart, c'est l'heure. Je vais le prendre à ta place. Et les autres ? Tous malades. Il n'y a que Jack et moi sur le pont. Vous n'avez pas mal au cœur, vous ? Un peu. On s'habitue. J'ai même réussi à me faire les ongles ce matin. Hein ? Ça m'a pris du temps avec ce roulis. Les ongles ? Pendant que je vomis mes tripes, vous faites les ongles ? Ton dieu de merde, espèce de saloperie ! Qu'est-ce qui se passe ? Jack, regarde si on peut mettre le spi. Le quoi ? Tu ne connais vraiment rien à la mer, toi. Bah, c'est-à-dire qu'au Kansas... Le Spinnaker, c'est une voile légère qui nous permettrait d'aller plus vite. Ah, ça serait bien, ça. Vous trouvez pas qu'on se traîne ? On pourrait pas mettre le moteur ? Sûrement pas. D'abord parce que nous sommes sur un voilier, ensuite parce qu'il est en panne. Tu en as déjà assez, Martin ? Tu veux débarquer ? Ah non, pas du tout. Mais, je sais pas si vous avez vu, il y a de l'eau au fond de la cabine, et ça monte. Petit problème de finition. On verra ça à l'escale. Ah bah oui, bien sûr. À l'escale. Mrs. London. C'est vrai que c'est vous qui avez eu l'idée de ce voyage ? Si on veut. Jack parlait de voyage avec des amis et... il a lancé comme ça qu'un jour, il laisserait tout tomber pour naviguer. Je l'ai pris au mot. Je lui ai dit, pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas partir maintenant ? Ce n'était que du bon sens. Du bon sens ? Vous trouvez ? Il était riche et célèbre, et aujourd'hui, il est couvert de dettes. Tout ça pour vous faire plaisir ? Non. Pour réaliser un rêve d'enfant. Je ne lui ai dit que ce qu'il voulait entendre. Pourquoi ne pas dépenser l'argent ? À quoi bon le garder ? Il ne demandait que ça. Tout de même, c'est drôle. Quoi ? Vous, une dame distinguée, cultivée, lui, un homme du peuple. Ce qui est drôle, Martin, c'est qu'un homme du peuple, comme tu dis, a cru possible de s'instruire seul. En se privant de manger pour acheter des livres, en passant des nuits à étudier. Plus fort encore, il a décidé de devenir écrivain et il l'est devenu. À moins de 30 ans. La dame distinguée ne vaut pas grand-chose à côté de ça. Je l'ai vite compris quand je l'ai rencontré. Il était comment quand vous l'avez rencontré ? Un vrai chien des rues. Je le revois encore. Il était venu placer un texte dans le magazine où je travaillais. Il avait une chemise fripée, une vieille casquette, un pantalon qui faisait des poches aux genoux, mais une carrure de colosse. Et des yeux. Personne n'a des yeux comme ça. Et puis, il me regardait d'une manière. Je me souviens que je tapais à la machine à écrire et je sentais ses yeux posés sur moi, fixement. J'en avais des frissons. J'ai lu les journaux. Votre histoire d'amour, ça n'a pas été facile. Non, ça a été horrible. Jack était marié, il avait 2 enfants. Au moment de son divorce, on m'a traîné dans la boue. Les amis de Jack, surtout. C'est pour ça que vous vouliez partir, pour quitter San Francisco. Je n'y avais pas pensé. Tu es moins bonnet que tu n'en as l'air, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais voir. Si tu descends, tu peux faire un peu de cuisine ? Je meurs de faim. Je vais essayer. peux vous faire un sandwich au cornet beef avec du beurre de cacahuète si vous voulez. Et quelque chose de plus simple, une soupe. Ben, c'est que le réchaud est cassé et le cardan vient de lâcher. Eh merde! Qu'est-ce qu'il y a, Jack? La mâchoire du tambour est cassée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura pas de spi. Pas de spi, pas de moteur, pas de réchaud. Mais je vous rassure, hein, tout va bien. Reste 3 caisses de cornet de bif et 5 bocaux de beurre de cacahuète. Tu me plais, Martin. Je sens qu'on va s'entendre. La rupture du tangon n'est pas la dernière des avaries qui frappent le Snark au cours de la traversée. La voile d'étai et le foc se sont déchirés. L'ancre flottante, si précieuse en cas de tempête, a coulé à pic la première fois qu'on l'a mise à l'eau. Bientôt, on découvre que du carburant a fui dans les réserves de vivres. Quant à la salle de bain, les tuyaux ont explosé dès le premier jour. L'équipage est dans un état pire encore. Non seulement le navigateur est incapable de faire un calcul correct, mais il est terrassé par le mal de mer, comme les autres. Seul Martin, après des débuts difficiles, retrouve son enthousiasme. C'est avec lui surtout que Jack et Charmian mènent le bateau à bon port. Car Charmian, supposée ne rien faire à bord parce qu'elle est une dame, s'est vite révélée une équipière indispensable. Enfin, le 19 mai 1907, après 4 semaines de mer, le Snark arrive en vue des îles Hawaï, où la surprise est immense. La nouvelle y avait été publiée que le voilier avait coulé corps et biens. Cher papa, je suis à Honolulu. Tu imagines, Honolulu, un vrai paradis entouré de volcans immenses, de forêts vierges, de plages désertes. Pour se reposer en attendant que le Snark soit réparé, il n'y a pas mieux. Jack n'est pas souvent à bord. Lui et Mrs. London sont invités presque tous les soirs, car il y a plein d'Américains ici depuis l'annexion. Dîner, bal, réception, cocktail. J'ai découvert ainsi des choses étranges sur le grand écrivain Jack London. Mais je m'arrête. J'entends qu'ils sont réveillés. Je reprendrai ma lettre tout à l'heure. Oh, j'ai mal au crâne. C'est vrai que vous n'avez pas l'air bien, Jack. Je vais vous faire un bouillon. Je vais diluer du cornet de bif dans du bouillon cube. Ah non. Bien. Bien. C'est pas ma cuisine qui vous a mis dans cet état, je vous ferai remarquer. Pardon, Martin. Je ne voulais pas te vexer. Non, j'ai attrapé un genre d'insolation hier, en voulant faire du surf. Oui, en faisant du surf, oui. Bon, d'accord. J'ai une sacrée gueule de bois. J'ai vu. Quand vous êtes rentré cette nuit... On n'en parle pas. Je sais bien à quoi je ressemblais. Le héros en a pris un coup. Tu n'as pas été désagréable? Avec moi, non. Mais avec Mrs. London... Fini. Je ne touche plus une goutte. Je vous crois. C'est trop bête de se laisser aller comme ça. Vous le dites vous-même dans vos livres. La vie est dure, mais il faut se battre. Être le plus fort. Mais t'as raison, j'écris des choses comme ça. L'amour de la vie. Mais tu sais, Martin, si j'arrête de boire, ce ne sera pas par amour pour la vie. Ça sera par amour pour mon matelot. Votre matelot? Tu sais, à bord des grands voiliers, les marins, ils vont toujours par deux. Chaque homme est associé à un autre, avec lequel il partage tout, le travail, mais aussi le hamac. Bah, mon matelot à moi, Martin, c'est elle. Tu l'entends? Mrs. London. Qu'est-ce qu'elle tape toute la journée comme ça? Mes manuscrits. Tous les jours, elle tape ce que j'ai écrit la veille. Aujourd'hui, elle met au propre une petite nouvelle que j'ai finie hier. J'ai appelé ça « Construire un feu ». J'ai tapé 90 pages aujourd'hui. Pas mal, non? C'est comme ça qu'elle m'a séduit. En tapant la machine? Ouais. J'étais venu placer un texte au journal où elle travaillait. Elle me regardait de haut. Faut dire que j'étais pas beau à voir. Je revenais du Klondike. J'avais eu le scorbut. Elle, avec sa jolie robe, ses dentelles, elle tapait à toute vitesse. C'est une championne de dactylographie, tu sais. Ah, j'étais fasciné par ces petites tiges de métal là qui montaient, descendaient, clac, clac, clac, clac. Alors c'est sa machine que vous regardiez, pas elle. Une femme qui gagne sa vie, j'ai toujours aimé ça. C'est votre côté socialiste? Darwiniste, surtout. Darwin, celui de l'évolution? Oui. La sélection naturelle, la lutte pour la survie et le reste. Quel rapport avec Mrs. London? Écoute, si tu devais choisir une femme dans la perspective de survivre, tu prendrais une demoiselle toute palote ou une belle fille capable de dresser un étalon, d'apprendre le surf en une demi-journée? De tenir la barre toute la nuit. Et de gagner sa vie. C'est pour cela que vous avez choisi Mrs. London? Qui te dit que je l'ai choisie? C'est peut-être elle qui m'a choisi. Je comprends. Ça aussi, c'est darwinien. Comme la louve dans Cro-Blanc, qui choisit le mâle dominant. Ah, voilà la louve. Jack, j'ai fini. Ce texte est magnifique. J'ai fait quelques corrections, mais vraiment, c'est magnifique. Peut-être ta plus belle nouvelle. Qu'est-ce que je fais maintenant? Rien, pour le moment. Mais tout à l'heure, je commence un roman. Tu auras tes 1000 mots d'ici demain, promis. Alors, un peu de ukulélé en attendant? J'ai fait des progrès. Écoutez. Ça raconte quoi, votre prochain roman, Jack? L'histoire d'un jeune marin qui rêve de devenir écrivain. Vous racontez votre propre histoire? Oui et non. Le héros s'appelle Martin. Non, comme moi? Martin Eden. C'est peut-être toi, c'est peut-être moi, qui sait. Et il réussit à devenir écrivain? Oui, et même célèbre. Ah, tant mieux. J'aime les livres qui se terminent bien. Pas si bien, en fait. Je crois qu'il va se suicider. Ah. Ne fais pas cette tête, c'est du roman. Mais pourquoi? Pourquoi, puisqu'il réussit? Peut-être bien parce que je n'ai pas d'autre idée. J'ai besoin d'argent et il faut que j'envoie ça très vite à mon éditeur. Si je tarde trop, comment est-ce que je te paierai, dis-moi? Je ne sais jamais si vous plaisantez. Je ne plaisante pas, Martin. Si j'écris, c'est pour l'argent. Uniquement pour l'argent. Je ne vous crois pas. Pas uniquement. Si. Ou plutôt non, pour pouvoir naviguer, surtout. Vous avez mal? Arrête de me poser des questions, j'en peux plus. Ma tête... Un petit bouillon? C'est bon pour la gueule de... Enfin, pour ce que vous avez. Martin, ne touche plus à cette cuisine, compris? Cher papa, je reprends ma lettre. Comme je te le disais, j'ai fait des découvertes sur Jack London. D'abord, il boit. Et quand il a bu, il n'est plus le même. Il devient si sombre. Il dit des choses... Je crois qu'il ne les pense pas, mais je ne suis pas sûr. Et je sens bien que Charmian est inquiète. En vrai, il me tarde de repartir. En mer, il est tout autre. Et Charmian aussi. Enfin, une bonne nouvelle. Je ne suis plus cuisinier. Jack m'a nommé mécanicien. Je m'y connais encore moins en moteur, mais j'aime mieux ça. Je vais pouvoir participer aux réparations qui ne devraient plus être très longues. Après ça, n'attends plus de lettres avant longtemps. Car nous mettrons le cap sur les îles Marquises, à des milliers de kilomètres d'ici. 3700 kilomètres exactement, que le Snark franchit péniblement en 8 semaines, d'une traversée tout aussi calamiteuse que la première. En décembre 1907, le voilier arrive aux Marquises, puis c'est Tahiti, Bora Bora. Les îles se succèdent et les problèmes se ressemblent. Pannes et avaries, équipiers incapables, créanciers furieux. Heureusement, il y a aussi les bons moments. Comment tu me trouves en Mahiné? Tiens, la dernière danse à la mode à Bora Bora. Ah, mais ça balance! Encore! Encore! Les Mahinés l'appellent le houla. Pas facile, mais une fois qu'on a attrapé le truc, et hop, c'est parti! Ah, Mrs. London! Bravo! Oh non, non, non, je vais chercher mon appareil photographique. Vous êtes superbe, Mrs. London. Bonne idée, immortalisons la scène. Certainement pas. Je suis toute décoiffée, je n'ai pas de corset, pas de jupe. Mais si, ces feuilles qui vibrent autour de tes hanches, c'est très joli. Mais on voit mes jambes. Tes jambes magnifiques, matelot. Je voudrais que le monde entier les voie. Pas question. Allez, allez, la photographie sera juste pour nous, pour ne pas oublier. Martin a raison. Quand tout ira mal, je regarderai cette image en noir et blanc. Et je me dirai, quand même, le Snark, C'était chouette. J'installe l'appareil. Dépêche-toi, j'ai promis aux filles d'aller pêcher dans le lagon. Pêcher dans le lagon avec les filles? Et mon manuscrit? Je rappelle qu'il doit partir avec le bateau courrier demain. Et je dois encore écrire à la banque au sujet de l'hypothèque et commander du sublimé corrosif pour soigner mes ulcères. Je taperai tout ça en rentrant, ne t'inquiète pas. C'est trop beau, cette plage, ce ciel, cette montagne. Dis, Jack, si on montait là-haut demain, la vue doit être magnifique. Tu sais que je t'aime, Matelot. Alors c'est oui. Demain, Matelot, ascension du mont Paya de Bora Bora. Ah, excellent, excellent. Jack, laissez votre bras autour du cou de Charm... Enfin, de Mrs. London. Ne bougez plus, attention. Cheese. C'est ainsi qu'apparaissent Jack et Charmian sur les photographies prises par Martin Johnson. Follement amoureux, unis dans le même désir de liberté et le même appétit de découverte. Impossible de deviner en voyant leur sourire radieux que chaque nouvelle escale aggrave l'état des finances de Jack London et celui de sa santé. En mai 1908, alors que le voilier quitte les îles Samoa pour la Mélanésie, la situation empire encore. Pendant 3 jours, le Snark affronte une tempête tropicale qui le change en épave flottante. Puis, le vent tombe, aussi brutalement qu'il s'est levé. C'est incroyable. Un calme plat. Quand je pense à cette nuit, c'est déferlante. J'ai cru qu'on y passait cette fois. Brave petit Snark. Il a bien lutté. Tu trouves ? Le canot de sauvetage a été emporté. Les voiles sont en lambeaux. Le carré est inondé. Le moteur en panne une fois de plus. Et moi, je ne vaux pas mieux. Regarde mes mains. Elles ont doublé de volume. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je sais pas. Une maladie, mais laquelle ? J'ai la fièvre, mal partout. Où est ma potion ? Ah, la voilà. Fais attention avec la morphine. Et tu sais bien que je ne fais jamais attention. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà des semaines que tu souffres. Il nous faut un médecin, un hôpital. Un hôpital, ça veut dire cap sur l'Australie et fini le tour du monde. Pas du tout. On repartira quand tu seras guéri. Ouais, peut-être. Jack ? Oui. Il y a un récif quelque part. Là, sur bâbord arrière. Non, non. C'est devant. Je vois une ligne blanche phosphorescente. Je prends les jumelles. Ah oui, tu as raison, il y a un récif devant. Mais aussi derrière. Et sous le vent aussi. Où sommes-nous, Jack ? Dans un labyrinthe. Et le moteur qui est en panne. Martin ! Ça avance ? Je ne sais pas. Je finis de nettoyer les soupapes, c'est tout encrassé. Mais fais vite ! Si tu ne veux pas que le Snark se retrouve perché sur un récif. Je voudrais vous y voir avec cette chaleur et cette puanteur. Mais fais-toi aider par les autres. Ils ont tous la fièvre. Oh. Rappelle-moi de ne plus embaucher d'équipage. Sauf Martin. Évidemment. La ligne blanche se rapproche sous la grand voile. On dérive. Prends la barre. Je vais aller regarder la carte. Ah, saloperie ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens de m'asseoir sur une bête d'un monstre, 5 cm de long, moi. Un cafard ? Non, une scolopendre. Dieu, ça fait mal. Laisse-moi regarder. Oh, intéressant. À noter dans le livre de bord, Charmian. La liste de nos problèmes vient de s'enrichir d'une jolie brûlure sur la fesse droite de Martin. Bientôt infecté, à n'en pas douter. Au lieu de compter vos bobos tous les deux, vous ne pourriez pas vous intéresser à la situation ? Si ça continue, le snap va bientôt être débité en allumettes. Moment de vérité. Je relance. Yippie ! Alors, ça tombe bien, je sais où nous sommes. Il y a une île dans le coin. Guadalcanal. Complètement inconnue. Je la vois au nord-ouest. Ah oui, il y a un mouillage apparemment. Allons-y. La passe doit être plus au nord, cap au 330. Dites, Jack, vous n'allez pas abandonner ? Nous sommes dans un triste état, Martin. Le bateau, moi... Et on va réparer, on va guérir. Depuis des mois qu'on navigue, on a toujours réparé, toujours guéri. Vous deux, oui, pas moi. Si je ne retrouve pas bientôt la civilisation... Tiens, en parlant de civilisation, il y a des gens sur l'île. On nous a vus. Où ça ? Là, sur la plage. Ce sont des hommes, ça? Qu'est-ce qu'ils ont sur le corps? Passe-moi les jumelles. Mais... rien du tout. Ils n'ont rien sur le corps. Martin, sors les fusils. Il y a des tribus cannibales dans les parages. Mais ils n'ont que des arcs et des flèches, et encore si petits qu'on dirait des jouets. On va pas leur tirer dessus. Je ne parle pas de tirer. Je veux juste leur montrer qui nous sommes, histoire de leur éviter de préparer le barbecue pour rien. Qui nous sommes, vous voulez dire un équipage en détresse? Exactement le contraire. Il faut leur montrer qu'il est inutile de nous attaquer parce que nous avons les meilleures armes. Et que par conséquent, nous sommes les plus forts. Les hommes blancs, comme dans votre livre. Le loup se soumet à l'Indien et l'Indien se soumet à l'homme blanc. Encore un coup de Darwin? Sors les fusils au lieu de discuter philo. Jack London a raison de garder ses armes à portée de main. Car le territoire dans lequel il pénètre est dans ces années-là un des plus dangereux de la planète. Habité en effet par des peuples anthropophages, il est aussi le rendez-vous des pires aventuriers du Pacifique, évadés du bagne ou déserteurs, réfugiés dans ces régions insalubres de sinistre réputation. Après la douceur polynésienne, c'est donc un univers très sombre que découvrent les passagers du Snark. Pourtant, leur séjour en Mélanésie, des Nouvelles-Hébrides aux Salomon, va durer 5 mois, signe que les risques valent d'être encourus. Car les cannibales, pour employer le mot par lequel on désigne alors ces peuples mal connus, offrent une culture à ce point différente qu'elle en devient fascinante. Et s'ils sont effectivement menaçants, ils ont quelques raisons de l'être. Cher papa, nous voilà dans les Salomon. Tu ne peux pas imaginer les gens qui y vivent. Ils sont nus comme des vers. Pire que nus, en fait. Ils se décorent le sexe avec un objet bizarre. Les savants appellent ça un étui pénien. J'ai pris des photos, tu verras. Nous sommes allés rendre visite au chef d'une tribu. Il nous a très bien reçus, vraiment. Il avait un genre de trône orné de crânes. Et il nous a dit que c'était des crânes d'hommes blancs. Mais peut-être était-ce pour nous impressionner. Comme nous, avec les fusils. Tout ça, c'est une question de lutte pour la vie. Enfin, je t'expliquerai. En tout cas, Jack est mal parti dans la lutte pour la vie. Il est revenu de notre exploration de l'île encore plus malade qu'avant. En fait, nous sommes tous malades. Le climat est terrible ici et... Martin ! On m'appelle sur le pont. Je te laisse. On a de la visite. Un bateau ? Vous croyez qu'ils viennent nous voir ? En fait, non, je me trompais. Ce n'est pas nous qui les intéressons. Jolie goélette. Sauf les barbelés. Ça alors? Ils ont mis des barbelés tout autour de la coque. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Tu me demandes ce qu'ils sont censés faire? Ou ce qu'ils font vraiment? Pourquoi il y a une différence? Ce qu'ils sont censés faire, c'est du troc avec les Kanaks. Ils échangent des noix de coco contre du tabac. Ça marche bien, apparemment. Ils n'ont pas peur d'avoir tous ces indigènes à bord? Mais... ils lèvent l'ancre? On dirait qu'ils amènent les Kanaks faire un tour. Ou qu'ils les kidnappent, non? Alors ce sont des Blackbirders. J'en ai entendu parler. Des gangsters qui enlèvent les indigènes pour les emmener dans les plantations de canne à sucre. Officiellement, c'est du recrutement. En vrai, c'est un genre d'esclavage. Et dire que dans Cro-Blanc, vous écriviez que l'homme blanc, c'est aussi le plus juste? Celui qui apprend au loup la bienveillance? C'est ce que je croyais quand j'ai écrit le livre. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les Kanaks pourraient bien se retourner contre nous. Mets le moteur, on lève l'ancre. Dommage. Je les aimais bien, ces gens. Cher papa, ça y est, c'est fini. Notre tour du monde est terminé. Jack est trop malade. Nous devons rejoindre une grande ville où il pourra consulter des médecins. Il parle de vendre le Snark et de rentrer à San Francisco. C'est une immense déception, tu penses? Et Charmian en a pleuré pendant 2 jours. Mais Jack a déjà d'autres projets. Il veut se lancer dans l'agriculture, créer un ranch avec des méthodes révolutionnaires. Il va sans doute y engloutir une deuxième fois sa fortune. Heureusement, son dernier roman est un gros succès. Tu l'as lu? Le titre est Martin Eden. C'est une autobiographie. Enfin presque. Quant à moi, je reviens avec plein de photographies extraordinaires. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je suis sûr que je retournerai dans les îles. Je comprends pourquoi on parle de suicide. Je ne le voyais pas comme ça, Jack London. L'alcool, la morphine, et puis ses idées sur Darwin, la sélection naturelle, le mal dominant. Jack ne s'est pas suicidé. Il est mort d'une crise d'urémie. Il en souffrait déjà sur le Snark. Et puis Martin, les héros de ces livres se battent jusqu'au bout, toujours. C'est vrai, mais rappelez-vous, souvent aussi ils sont vaincus par le froid, ou par les loups, ou par la maladie, alors qu'ils se pensaient invincibles. Comme Jack, non? Quand il a embarqué sur le Snark, il se croyait invincible. Puis au fil de la croisière, il a compris qu'il ne l'était pas. Oui, mais quand il l'a compris, il a en toute conscience continué à vivre comme s'il était immortel. Je ne sais pas si c'est une forme de suicide, mais c'est de ça qu'il est mort. La nature a eu raison du surhomme, mais pas de la femme. Il le disait lui-même, tu te souviens? Que j'étais plus solide que lui. Je ne l'ai pas oublié. Surtout au moment de choisir une épouse. J'en ai pris une apte à survivre en toutes circonstances. C'est fou ce que vous êtes romantiques tous les deux. Alors, vous partez en voyage? Vous avez deviné. Nous sommes sur le point d'embarquer. C'est la raison de notre venue à San Francisco. Et je suis sûr que vous savez où nous allons. Dans le sillage du Snark? Aux îles Salomon, avec une caméra. Je serai sur le quai pour vous souhaiter bon vent. Venez avec nous. Non, merci Osa. Je dois m'occuper des livres de Jack. Je ne veux pas qu'on les oublie. Tu vois, Martin, j'ai toujours ma machine à écrire. Et votre ukulélé? Un petit air avant de partir. Ça me rappelle une dédicace de Jack, celle où il parle de vos mains. Comment est-ce déjà? À ma femme, à ses mains tant aimées? À ma femme, à ses mains tant aimées. À ma femme, ses mains de musicienne. À ses mains tant aimées. Si ferme quand elles tiennent la barre du Snark à travers la tempête. Si ferme quand elles tiennent la barre du Snark à travers la tempête. Si douce quand elles passent dans mes cheveux. Si douce quand elles passent dans mes cheveux. Pour Charmian, ton homme et ton amant, Jack London. Jack London, surhomme fragile, de Christelle Mouchard, avec Jack London, Eric Herson-Macarel, Charmian Kittredge, Chloé Réjon, Martin, Florent Shep, Oza, Charlotte Campana, le valet, Patrick Autier, avec les voix de Antonin Fresson, Norbert Ferrer et Mathieu Rochevarger. Bruitage, Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage, Pierre Mine et Lydwin Caron, assistante à la réalisation, Sophie Pierre, réalisation Pascal Deux. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter. On reprend la discussion sur Jack London avec mon invité Olivier Weber dans quelques minutes. I can't do it. Can't feel a thing I'm numb. All I do is wait. Is there something wrong with me? Honestly, I don't get as high when I'm at a gate. And I can't go on like this. I'm useless. Someone wake me up from this life, yeah. I wish that I could feel something, but the bills do what they do. I was dancing on the ceiling, now I can't feel nothing new. And if you look real close, you notice I lost all my emotions. Is it better when I'm broken, aiming for explosion? I wish that the bills do what they do. Guess I'm okay, but I keep doubting if it's better in grace. in my mind. It's useless. Gonna wake me up on this life, yeah. I wish that I could feel something, but the bills do what they do. La soupe Pills sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Michel Biou, assistée de Marie-Claire Matout, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Élise Christophe. Olivier Weber, nous venons donc d'entendre l'histoire de Jack et Charmian dans ce fameux voyage du Snark que vous connaissez bien, voyage écourté par les avaries du bateau et surtout par la maladie de Jack, cette maladie qui va l'accompagner jusqu'en 1916, jusqu'à sa mort donc. Selon vous, Jack London s'est-il suicidé ? C'est la grande question qui divise les biographes et même les romanciers qui ont pu écrire à la suite de Jack London. D'abord, ce texte qu'on a écouté est très émouvant. Je suis très ému par cette diction, et puis l'écriture, et puis par vos comédiens. Et on se replonge totalement dans la vie, dans les vies, les mille vies de Jack London. Donc on l'a dit, chercheur d'or, ouvrier, pilleur d'huîtres, ensuite gendarme de la baie, même reporter de guerre, qu'on oublie trop souvent, à la fois au Mexique, en Corée pendant la guerre russo-japonaise, et même, je dirais, à San Francisco, pourquoi, pendant le tremblement de terre de 1906. Et pour répondre à votre question, le suicide, moi je me suis penché longuement sur cette question quand j'étais étudiant à San Francisco, et puis avant, enfant, quand j'ai lu ses livres, et ensuite après, en ayant lu pratiquement toutes les biographies dans différentes langues, il a brouillé les pistes lui-même dans sa vie à 20 ans et quelques. Il s'est laissé couler de son bateau totalement ivre. Il s'est laissé dériver près d'un fleuve dans la baie de San Francisco, qui n'est pas un endroit agréable en fait pour naviguer. Lui-même disait, quand on est marin dans cette baie, on devient un marin du grand large, bien avant la Porte Dorée, le Golden Gate. Et quand il est mort, donc, le premier médecin qui est arrivé, le 22 novembre 1916, à Glen Ellen, à 2 heures de route de San Francisco, son superbe ranch de plusieurs centaines d'hectares, où il voulait être une sorte de fermier écologiste avant l'heure, de fermier moderne, eh bien, le médecin a dit, c'est un suicide. Et puis le deuxième médecin, et Charmian aussi, ont dit, pas du tout, c'est une crise d'urémie. Alors, il avait une maladie, mais en fait, des maladies tropicales, le yaz dont on parle, mais aussi l'urémie, mais aussi un peu de paludisme, etc. Il souffrait énormément, il souffrait d'autre chose. Il souffrait d'empoisonnement dû à ses médicaments. Et au pied de son lit, qu'est-ce qu'on a retrouvé lorsqu'il est mort? Parce qu'en fait, il faisait chambre à part dans ce superbe cottage, une sorte de villa, en fait, dans sa propriété. Il faisait chambre à part par rapport à Charmian. Mais on a retrouvé un mode d'emploi. Comment mourir avec une surdose de morphine? Donc, c'est vrai que le trouble est là. On le voit dans Martin Eden à la fin. Martin Eden se suicide. Et c'est évidemment le double. C'est l'autobiographie, l'une des grandes autobiographies, l'un des chefs-d'œuvre de Jack London, vous l'aviez dit. On peut mettre en avant les deux pistes. C'est une mort, et c'est vrai que c'est quelqu'un, une mort, par accident on va dire, c'est quelqu'un qui aimait la vie. Quelques jours auparavant, il y a un petit film qui est fait sur lui dans la propriété, il parle de ses projets, etc. Et en même temps, un de ses amis dit, mais regardez, l'étincelle dans ses yeux a disparu. L'un de ses meilleurs amis, Georges Terling, le fidèle des fidèles, l'ami d'entre les amis, dit, il aurait eu un chagrin d'amour avec une femme qu'il a rencontrée à Hawaï lors d'un séjour précédent de quelques mois avant sa mort. Donc c'est vrai qu'on a les deux thèses. Et puis après, on peut se dire aussi, mais qu'est-ce que ça change? Il a tellement grillé, en fait, la vie par tous les bouts. J'aimerais simplement citer quelque chose qui lui est attribué. Ça fait partie de la légende, on pense que c'est lui, mais on n'est pas sûr. J'aimerais mieux être cendre que poussière. J'aimerais mieux être un superbe météore. J'userai de tout mon temps. Voilà, c'était ça la vie de Jack London, c'était user la vie par tous les bouts. Le titre choisi par l'auteur de la fiction, Christelle Mouchard, Jack London, un surhomme fragile, est-ce que c'est un titre qui fait référence aux idées philosophiques de l'écrivain? Jack London voulait-il être un surhomme? Oui, je crois que d'abord il voulait être un homme. un homme reconnu, un homme respecté. Il a appris à se battre dans les usines, sur les quais d'Auckland avec les voyous, contre quelquefois les bourgeois d'Auckland, à se faire respecter. Donc il avait perdu toutes ses dents, il avait une sorte de dentier payé assez jeune par sa demi-sœur et grande sœur Elisa, qu'il adorait. Et en fait, c'est quelqu'un qui était peut-être pas un surhomme, en tout cas un aventurier, et encore une fois, dont l'aventure a servi de prétexte d'alibi pour écrire de grands romans. Et on n'est pas dans le roman de l'aventure, on est dans le roman de l'exploration de l'âme humaine. Quand il écrit, par exemple, L'appel de la forêt, qui est un titre mal traduit, c'est Call of the Wild, c'est-à-dire plutôt L'appel du sauvage ou L'appel sauvage. C'est son plus grand succès. Enfin, grand succès, absolument, et un livre éminemment philosophique. Et là aussi, on est dans l'homme des contradictions. On pétrit de marxisme, en fait, parce qu'il était membre du Parti Socialiste Américain, et à l'époque, fin 19e, début 20e, être membre de ce parti-là, c'était vraiment être révolutionnaire, être marxiste, et en même temps, adepte, on s'est dit dans la fiction, du darwinisme. En fait, la sélection sociale. Sociale, absolument. La sélection de l'espèce par, finalement, les plus forts et que les plus faibles disparaissent, etc. Et lui-même, d'ailleurs, avait des théories pratiquement racistes. Quelquefois, on voyait lorsqu'il écrivait ses reportages en Corée, pendant la guerre russo-japonaise, il n'aimait pas les Asiatiques. Il le disait crûment, c'est l'homme blanc qui est supérieur aux autres races, etc. Et en même temps, quelqu'un d'attachant, donc fragile, certainement, enfin absolument même, surhomme, je ne crois pas, en tout cas aventurier au cœur fragile, absolument la forteresse qui a beaucoup de failles, oui, et failles qui ont pu être comblées par les femmes, et surtout par Charmian. On a l'impression que dans ce voyage merveilleux, donc accompli avec Charmian sur le Snark dans le Pacifique, il est rattrapé par deux choses qui le hantaient, la maladie et l'alcool, sans parler du problème d'argent, puisqu'il était couvert de dettes. Première cuite à 7 ans, au sud de San Francisco. Et par la maladie, par l'alcool, mais je dirais avant tout ce qui explique l'alcoolisme, par la mélancolie, la tristesse de vivre. Et je réponds aussi à votre question par rapport au suicide. Je crois qu'on est marqué par un capital psychique, comme on a un capital soleil, par exemple. Et à 40 ans, il aurait pu en avoir assez de vivre. Et il faut s'imaginer qu'à 11 ans, il était ouvrier. À 15 ans, il était pilleur d'huîtres avec des gangs sur la bande San Francisco, contre des Chinois, contre des gangs de Grecs. Il a même été dans un pénitencier pendant un mois. Un mois quand il était hobo, donc aventurier, vagabond sur les rails. Il traverse la moitié, pratiquement même la totalité du continent américain. Il revient par le Canada, il devient chercheur d'or, on l'a dit, dans le Yukon, le Klondike au Canada, etc. Donc il était usé quelque part, mais je dirais encore plus usé par une sorte d'esprit de caste de la part des autres qui lui faisait, bien sûr, remontrance de ses origines sociales, ouvrières, etc. Et je crois que toute sa vie, il aura été marqué par ça. Donc frustration, désir de s'élever, désir de combattre cela, désir de reconnaissance. Et à un moment, il a acquis cette reconnaissance. Et je crois qu'il avait un peu franchi le cap et que le capital là, de frustration était entamé. Et donc voilà, c'est un homme qui aura peut-être pu encore durer quelques années, mais je crois pas beaucoup plus. Il était usé par la maladie, par la mélancolie. Par l'alcool, effectivement. C'est terrible, parce que quand on voit les photos dont parle Martin Johnson, donc leur compagnon, les photos qu'il a prises pendant ce voyage, il y a des photos extraordinaires. On les voit tous les deux, Jack et Charmian, qui visiblement s'aiment énormément, qui sourient, qui sont en train de se baigner dans la mer. Il y a des photos d'une grande liberté, comme ça, de grand bonheur. Oui, absolument, un bonheur très hédoniste, très rousseauiste, très moderne aussi. Très moderne dans le couple, on l'a dit, c'est un homme qui aimait que sa femme soit indépendante, qu'elle gagne sa vie, etc., qu'elle soit aventurière aussi. Elle est devenue, elle ne l'était pas, elle a appris, parce que Jack London disait, et ça je le dis aux auditeurs, c'est extraordinaire, et je le dis aussi aux gamins de banlieue, ou ailleurs, à Lima, au Pérou, à Calcutta, à Kaboul, il disait, il n'y a pas de talent. Ou alors s'il existe, il est composé de trois éléments. Le travail, le travail, le travail. Et il a beaucoup travaillé pour ça, il n'a pas dormi, il a dormi 3 heures, 4 heures, 5 heures par nuit. Quand il était ouvrier, il rentrait chez lui. Enfant, adolescent, il lisait encore, il travaillait à la lueur des chandelles. Et je crois que c'est ça la grande leçon de l'amour de la vie, de la part de Jack London, de l'amour pour la littérature et de l'amour tout court pour Charmian. Et ça, je crois que ça restera éternel. Charmian Kittredge qui lui survivra puisqu'elle mourra en 1955. Merci beaucoup Olivier Weber. Merci à vous. Votre livre Jack London, l'appel du grand tailleur est publié chez Paulsen. À lire également Les vies de Jack London de Michel Viot à La Martinière et de Jack London, un recueil de ses aventures en mer qui vient de sortir, présenté par Olivier Perretier dans l'excellente collection Omnibus. Autant n'importe n'importe l'histoire, c'est fini pour ce soir. Cette émission, qui était en nouvelle diffusion, vous pouvez la réécouter ou la podcaster sur notre site franceinter.fr, où j'attends vos commentaires, toujours les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, en raison de la soirée électorale du deuxième tour de la présidentielle, il n'y aura pas d'émission. Nous nous retrouverons donc dans deux semaines, dimanche 1er mai, pour parler de Jenny Marx, l'épouse longtemps oubliée de Karl Marx, le grand théoricien du 19e siècle. Elle partagea ses passions politiques, mais surtout les vicissitudes d'une existence chaotique entre misère, exil et adultère. Jenny Marx, l'épouse du diable, c'est dimanche 1er mai dans Autant d'emporte l'histoire.